dit que le chien heureux qui se fait branler la queue. On serait surpris si un beau matin on voyait la queue branler le chien. La compagnie des parapluies est virée la banqueroute.